80, à partir de 96-97, il y a un Québécois qui s'appelait Nicolas Pitt et il a inventé le projet Breaky, dans lequel je m'en vais. Et ça a été pris par un Américain qui s'appelle aujourd'hui, il s'appelle Dave Mielke, qui lui a repris le projet parce que Nicolas, évidemment, d'ailleurs, Nicolas Pitt, c'est un Québécois de Montréal. Il travaille actuellement chez Canonical pour les processeurs ARM. Lui, il fait le portage Ubuntu pour les processeurs ARM. Donc, il est quand même, pour être rendu là, c'est parce que il avait quand même un bon talent en programmation. Il est complètement, lui, Nicolas, il est complètement non-voyant. Il ne voit rien, comme moi. Comme moi. Donc, Brady, c'est un projet qui a été fait par, justement, des équipes de non-voyants. Donc, si on regarde ici, le répertoire qui est le plus intéressant, c'est celui-ci. Le répertoire driver. Dans le répertoire driver, on a tous les drivers qui ont été faits pour le braille et pour les synthèses vocales. Donc, si on voit dans Braille, là ici, on a tous les afficheurs braille, tous les dossiers portent les noms, les marques d'afficheurs braille qui sont existants sur le marché. Fait que si je recule, je reviens ici à mon dossier braille, on voit qu'il y a 38 éléments. Donc, ça veut dire que là-dessus, si en enlevant seulement qu'un, je pense qu'il est Braille API, je ne suis pas sûr qu'il l'a. Oui, il y a Braille API, hein? Le A. Braille API. Bon, lui, on l'enlève de la liste, donc ça veut dire qu'il y a 37 afficheurs Braille actuellement reconnus sur le marché. Comme le mien qui est ici, ça c'est un Braille Sense Q2 fait par la compagnie IMS. Donc, on voit bien que IMS est listé ici. Donc, si je rentre ici, ben là, on a tous les fichiers sources du driver de IMS. Mais ce qui est remarquable de Brady, c'est comment la structure, comment c'est fait, on voit que le driver va toujours être un Braille coincé, qui se trouve être le driver principal du fabricant. Que tu vois, là, je suis dans IMS. Si je m'en vais maintenant dans Humanware, ben, on constate que c'est encore Brady qui est là. Donc, Brady, la façon qu'il se construit, il fait un objet Brady.o qui correspond au driver correspondant de l'afficheur en question. Brady, comme aujourd'hui on a les ports USB, est capable d'auto-détecter un afficheur braille. Et comment il fait ça? Ben, on va revenir en arrière. Mais avant, tant qu'avec le driver, je vais faire un petit tour. Je vais. Driver ici. Je vais. Ici, dans Speech, on a 16 éléments. Donc, il y a moins de synthétiseurs vocaux. Parce qu'on s'entend-tu que Brady, ça dit, c'est pour plus principalement les afficheurs braille que les synthèses vocales. Mais dans les synthèses vocales, on en a aussi pour Alva. Pourquoi Alva? On avait Alva tantôt dans les afficheurs braille. Bon, Alva, c'est parce qu'ils ont sorti un afficheur braille avec une synthèse vocale intégrée dedans. Donc, Brady est capable d'utiliser cette synthèse vocale-là intégrée. Puis, Braille Light, c'est un autre afficheur braille, lui aussi, mais qui a une synthèse vocale intégrée. Mais Brady est capable de l'utiliser aussi. Ensuite, on a Combi Braille, qui a probablement sorti la même chose. On a eSpeak, qui était la fameuse synthèse désagréable que vous entendiez tantôt, qui n'est pas la voix la plus romantique. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Faut faire avec. Tu sais, quand on n'a pas le choix, ça dépend. Je ne peux pas dire que ça ne dépend pas. C'est une voix qui n'est peut-être pas terrible, mais c'est une voix libre. Puis, il y a moyen d'éditer, si vous voulez, les phonétiques ou les data pour améliorer la voix. Il y a moyen là, de jouer avec ça, la voix, pour la mettre plus belle. Donc, eSpeak, c'est libre, c'est partiellement libre. Donc, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ça. D'ailleurs, du côté de l'autre système d'exploitation, ben, du côté de Windows, là, pour dire les vraies affaires, NVDA, le projet NVDA, qui se trouve être notre Visual Desktop Access, qui se trouve être un lecteur d'écran libre pour Windows, eux, ils utilisent justement la synthèse vocale ISP et ils ont sorti une synthèse vocale qui s'appelle Edward. Donc, ils ont refait une voix à partir des composantes ISP pour refaire une voix. Donc, j'imagine qu'au niveau Linux, si les gens se donneraient la peine, ils pourraient faire une meilleure voix au niveau de l'ISP. Par contre, ISP, ils ont quand même développé du code pour utiliser la synthèse vocale M-Borla. Et ça, je vais revenir là-dessus. Donc, pour revenir à mon Brady, continuer sur la même ligne Brady, comment ça, Brady est capable de auto-détecter les affiches horaires comme telles? À ce moment-là, je pense que ce qui serait le chemin plus court, ça va être de s'en aller dans le PC. Et le fichier s'appelle brave.com. On va descendre. Ah, on est dans les airs, dans les... OK. Brave.com. Bon. Brave.com. On va l'ouvrir pour montrer. Donc, on voit ici, la façon qu'Ubuntu a arrangé ça, c'est que si on commande, toutes les lignes correspondent à... Oui. Brave. Braydriver. Braydriver auto. Braydriver, c'est des explications. Ah, ils sont là. OK, excusez. Donc, Braydriver, c'est ce qui donne le type d'affichage horaire. Si tu veux mettre un affichage précis, ben, on voit dans le fichier compte que tout est écrit Braydriver AL. Ça veut dire que c'est Alva, parce que c'est grand commentaire à côté, Alva. AT pour Albatros, et ainsi de suite. Donc, c'est Braydriver dans le fichier de configuration qui est défini. Par contre, quand c'est tout commenté, puis elle aussi, la ligne est commentée aussi, auto, ça veut dire que c'est auto-détect. Donc, quand tu plugues sur un port USB, il détecte automatiquement l'affichage drive sur lequel, si c'est un affichage drive USB qui est connu par Brady, il va interroger l'appareil. Il va dire, ah, OK, t'es sûr, moi, je t'ai envoyé le code nécessaire pour que tu puisses fonctionner avec ça. Donc, Brady, au départ, la façon dont ça fonctionnait, c'était avec la console. La console, donc, le mode, comme ça. Fonctionnait comme ça, à l'époque. Donc, quand on voulait faire du Messenger ou des choses comme ça, on avait des applications en ligne de commande, je faisais tout ça. Ça veut dire, on allait se débrouiller pour les trouver, mais on avait ça. Mais à un moment donné, avec l'avancée, les années 2000, tout ça, Nicolas et son équipe ont décidé de développer l'API Drive, DRL API, ce qui permet à un logiciel comme Orca, le logiciel de revue d'écran en mode graphique, ben, de nous donner sur l'affichage horaire ce qui se passe. Donc, Orca, lui, pour que l'affichage horaire reçoive les informations, il parle avec Braille API. Et Braille API peut être à la fois local, mais il peut aussi être un serveur. On pourrait, à distance, contrôler un affichage horaire à partir de Braille API. Ça veut dire qu'on pourrait faire un site web, genre. J'ai pensé, d'ailleurs, j'ai un projet là-dessus sur Django, qui est écrit en Python. Braille API, il y a des wrappers spéciaux qui sont développés en Python pour faire ça. Donc, on pourrait faire un site qui contrôlerait un affichage Braille à distance à partir de Braille API. Donc, ça a été développé principalement pour les lecteurs d'écran. D'ailleurs, NVDA en Windows utilise Braille API. C'est pour ça que Brady, maintenant, a été porté sur Windows aussi. Il existait seulement les luttes à partir des années 96-97. Et dans les années 2008-2009, ils ont décidé de porter Verity à Windows. Aujourd'hui, Verity est sous Windows, sous FreeBSD, sous Mac, sous Android même. Verity existe sous Android. Et il contrôle l'affichage soit par Bluetooth, ou si on a un adaptateur spécial USB, il peut contrôler les affichages Braille via USB, pareil comme sur mon ordinateur. Donc, Verity, ça a été le projet, je dirais, au niveau des affichages Braille, qui a évolué le plus. Parce que, entre-temps, il y a la distribution SUSE, avant OpenSUSE, qui était une distribution plus commerciale. Il y avait un Allemand du nom de Marco Skambrak qui, lui, a développé SBL. SBL, qui voulait dire SUSE Linux, qui était, si vous voulez, un Verity, mais exprès pour SUSE. Donc, encore une fois, pour le mode console. Par contre, lui, il a été un petit peu plus vite que les autres parce qu'il a développé ce qu'on appelle BrailleD, qui se trouve être un daemon qui tu peux communiquer avec, et Orca est capable de communiquer avec BrailleD pour les affichages Braille qui sont compatibles. Parce que faut s'entendre que SBL n'est pas compatible avec tous les affichages Braille qui existent sur le marché. Il n'y a pas eu une grosse évolution là-dessus. Malheureusement, ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est que le projet Knopix utilise SBL pour un fameux projet qui s'appelle Adrian, que je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, mais SBL, sensiblement, ce n'est pas le projet qui a évolué le plus. Donc, côté affichage Braille, il est pas mal conservateur. Le code source, par contre, est disponible. Donc, quelqu'un qui veut coopérer, qui veut améliorer ou qui veut rajouter des drivers dans SBL, il pourrait le faire. Sauf que c'est Brady qui domine le marché. Au niveau du marché, c'est Brady qui a été porté partout et qui s'améliore de jour en jour. D'une version à l'autre, il y a toujours des nouveaux affichages Braille qui se rajoutent à chaque. Puis, si on va sur le site de Brady, là, je peux retrouver ici des versions anciennes. Donc, si je vais dans Oldest, Old Release. On a Brady 1.0. Toutes les versions de Brady 1 sont sorties. 2. Puis on voit, je crois qu'on voit les dates. Donc, si on regarde la première version de Brady pour. Ben, j'avais dit 96, hein, regardez. Elle est sortie le 29, 7, le 29 juillet 1995. Ça a été. Là que Brady est né, le 29 juillet 1995. Puis, si on regarde l'évolution, l'autre version a sorti le 15 octobre 1996. C'était plus actif. Il y avait plus de développeurs actifs à ce moment-là pour améliorer. Puis là, tu vois que ça, on est tombé à Brady 1.9.0, qui lui est sorti en 98, le 7 avril 1998. Puis là, ben, on voit ici l'évolution de chaque version de Brady. Comment est-ce qu'ils ont sorti? Et si on regarde, on voit ça défiler, là, soit 2001. Là, pour que ça aille plus vite, si maintenant je m'en vais dans Current. Current, c'est Brady 5.2. Et ici, je suis tombé sur le paquet d'Android, et ici, ça, c'est le protocole. Donc, la dernière version de Brady est sortie en 2014, le 11, le 6 novembre 2014. Donc, ça a été 96. Donc, si on calcule tout ça, ça fait des années que ça travaille. Ça fait des années que ce projet-là évolue. De 96 à 2014. Donc, c'est. Puis en passant, ben, pour un petit peu revenir au Raspberry Pi, ben, Raspbian, Brady existe dans les paquets et je l'ai installé et je l'ai essayé sur mon Raspberry Pi 2. Je note mon action de paille dessus. Ça montre que Brady fonctionne sur un Raspberry Pi aussi. Qui est très fun à savoir. Puis, en plus, BrayAPI est dedans. Donc, ça veut dire qu'on peut, que je pourrais, dans un projet futur que j'annonce en même temps, je fais une petite parenthèse là-dessus, pour ceux que ça intéresse, qui veulent peut-être collaborer avec moi, je veux faire ce qu'on appelle une console de jeux vidéo pour les personnes non-voyantes à partir de Raspberry Pi. Donc, j'ai déjà mon autre domaine, j'ai déjà le nom de la console qui s'appelle Extreme Audio Station. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'image. C'est du son. Que du son. Son, braille, mais pas d'image. Aucune image. Donc, ça va fonctionner avec OpenOL pour le son. Ça va fonctionner avec un Linux, aucun graphique. Donc, un Linux en command line. Donc, pas de X, pas de serveur, pas rien de ça. Puis, ça va fonctionner, probablement, le langage que j'ai choisi, ça va être FreeBASIC. C'est un petit langage de programmation. Ceux qui connaissent le BASIC, ce serait facile de faire de la programmation pour faire des jeux pour la X, Extreme Audio Station. Donc, mon domaine, c'est xostation.com. Lui, j'ai point nulle part pour l'instant, mais je l'ai acheté. J'ai par contre un dépôt GitHub qui est GitHub/XASOS, qui va être le système d'exploitation qui va faire fonctionner ce système-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le système soit complètement libre. Donc, il va probablement être basé sur Ubuntu minimal de base. Donc, je vais commencer à concocter et à mettre le stock parce que le Ubuntu minimal, au moins, il y a juste la base. Donc, je peux rajouter ce que je veux par après. Donc, je vais rajouter des choses pour ça. C'est la parenthèse que je voulais faire à ce propos-là. Probablement qu'on va utiliser Brady, Braille API, pour contrôler l'afficheur braille et dire, quand tu es dans un jeu, quand tu payes sur un piton sur ton afficheur braille, ben, ça fait une action précise. Ou bien, si tu as une manette de jeu, ben, tu vas pouvoir utiliser ta manette de jeu. Pareil comme une personne voyante qui utilise une console de jeu. Donc, soit par les pitons de l'afficheur braille, par une manette de jeu, on va pouvoir faire des actions. Le but, c'est de faire de l'audio 3D, de façon à ce que la personne ait l'impression qu'elle est dans l'environnement précis par l'audio. Donc, au lieu d'être l'image, c'est du son. On joue avec le son. Donc, après ça, ben, notre ami Nicolas, c'est pas arrêté là. Il y a un copain que je connais très bien qui s'appelle Stéphane Doyon, qui est un non-voyant lui aussi. Lui, il a développé avec Nicolas une synthèse. Un moteur de synthèse vocale, un TTS, un text-to-speech, qui s'appelle Cicero TTS, qui est un moteur de synthèse qui fonctionne avec Mbola, justement, qui est la fameuse synthèse vocale que j'avais introduit au début, avec, quand j'ai parlé de speech. Donc, Cicero, c'est sûr qu'il y aurait peut-être matière à amélioration, mais je pense qu'avec toutes les occupations, les autres, n'ont probablement pas contribué plus qu'il faut dans Cicero. Cicero a été développé en Python. Donc, quelqu'un qui veut l'utiliser sur un Raspberry Pi, il pourrait l'utiliser. Il pourrait prendre Cicero. Ça pourrait être utilisable. Donc, ça fonctionne avec un gros-là, qui est une synthèse vocale propriétaire et gratuite. Donc, ça veut dire que si tu veux l'utiliser, par exemple, de façon commerciale, tu es obligé de payer une licence pour l'utilisation commerciale de Mbola. Mais beaucoup de monde l'utilise pour des fins gratuites. Donc, il y a beaucoup de monde qui l'utilise parce que le côté frère de cette synthèse-là est belle, c'est beau, pour avoir une idée. Synthèse vocale activée. Donc, si je m'en vais, mettons dans Firefox. Le bureau de fichiers, navigateur, message, navigateur web Firefox, bouton, entrée. Bureau 4. Page d'accueil d'Ubuntu, Mozilla Firefox 4. Zone de saisie. Saisissez du texte. Mode focus. Chargement de page d'accueil d'Ubuntu terminé. ceux-là qui n'ont pas de drague, ils peuvent quand même comprendre quelque chose. Si, mettons, je m'en vais sur un site, c'est pas moi, mettons que je m'en vais sur. Contrôle L. Saisir un terminal www.rateo.ca.ca. Entrée. Zone de saisie. Mode focus. Chargement en cours. Veuillez patienter. En cours d'image lien. Mode navigation. Allez lien. Allez directement au menu principal de l'ICE Radio Canada Calien. Allez lien, allez dire pi, allez directement, allez lien, allez dire pi, allez directement au menu principal, tabulation, connexion, bouton, nuage fragment des images, effectuer une recherche, bouton, ICE Radio Canada, ça lien, international lien, dossiers en tête niveau 1, langue en tête niveau 1, comprendre le monde en tête niveau 2, visite papale, 2 points, le regard américain image lien. Visite papale, 2 points, le regard américain en tête niveau 3, une nouvelle œuvre publique à Montréal, image lien. Une nouvelle œuvre en tête niveau 3, lien. Publique à Montréal en tête niveau 3, audio vidéo en tête niveau 2. On peut lire, bon, évidemment, moi, sur mon HTML, c'est H2, mais la synthèse est plus précise, c'est en tête niveau 2. Donc, on est capable de savoir les niveaux au niveau des entêtes, des titres, comment la page est faite. Ça, c'est leur cas, évidemment. Donne cette information-là. On peut faire ça comme ça. Et puis, en gros, ben, on navigue sur Internet de cette façon-là. Et puis, mettons qu'on veut lire. On peut lire des. Ce qui est pratique de la synthèse vocale, par exemple, c'est quand on veut lire un article de journal, ben, c'est facile de lire avec la synthèse vocale que de lire en braille. C'est sûr qu'en braille, c'est plus lent, mais moi, c'est sûr que moi, honnêtement, je ne suis pas un synthéseux. Je n'utilise pas la synthèse vocale bien. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise la synthèse vocale. J'aime beaucoup plus lire en braille que d'utiliser la synthèse. Ça, plus discret, d'une certaine façon. Parce que même quand tu es au travail, là, ça peut déranger les autres. Tu peux mettre des écouteurs, mais l'idée, c'est que c'est beaucoup plus long de savoir comment l'écran est fait que si tu as le break. Si tu as le break, tu as le toucher, tu vois tout de suite instantanément de comment c'est fait, comment c'est arrangé, tout ça. Donc, évidemment, ben, pour ce qui est de la voix, si on vient de lecteur d'écran, Préférence du lecteur d'écran. Donc, je vais aller justement au niveau de la voix. Voix onglet de page. Utilisez les flèches gauche et droite pour afficher les autres onglets. Non. Ici. Tabulation. Tabulation. Débit 2 points. Glissière 50. Pour diminuer, appuyez sur la flèche gauche. Pour augmenter sur la flèche droite. Pour le minimum, appuyez sur origine et pour le maximum sur fin. 50. Donc, oui. Il dit même de quelle façon ça sera pour être capable de bouger le débit. Donc, je peux aller plus vite. 51, 57, 58, 59, 60, 61, 70. Donc, si je. Tabulation, hauteur 2 points de glissière, 7.6, 7.6. Donc, là, je suis plus vite. Ma débit 2 points de glissière, 70, 50. Là, si je le mets au minimum. 100. Là, je suis au maximum. 0. Tabulation. Hauteur 2 points, glissière 7.6, 7.6. Donc là, on voit que le gars parle comme un endormi. Image débit 2 points, glissière 0.50. Donc, on voit le plus bon, peut-être un peu. Page suite, page près, 50. Comme 9 personnes, 2 points, voix par défaut, dyslexique, brûlage, jaune, rive, parenthèse, bouche, FR, parenthèse, droite, boîte, combinée, tabulation, hauteur, 2 points, glissière, 7.6, 7.6. Donc aussi, la hauteur, on peut jouer avec ça. Donc, la hauteur, c'est le côté grave, le côté... 10.0. Donc là, je l'ai mis au plus haut. Tabulation, volume, 2 points, glissière, 10.0, 10.0. Ma hauteur, 2 points, glissière, 10.0, 7.6. On va au plus grave. 0.0. Tabulation. Volume 2.0, 10.0, 10.0. Donc, on est 12 grammes. Macoutade 2.0, 0.07, 6. Page suivante. 1.0, page suivante. 2.0, page suivante. Page suivante, page suivante, page suivante, page suivante. 7.0. Là, je l'ai mis un peu plus. Tabulation. Tabulation. Paramètre globaux pour la voix tableau de bord. Couper la synthèse vocale en morceaux entre les pauses cases à cocher, cocher. Alt, contrôle gauche. Spécifiquement intéressant, c'est surtout pour couper des phrases, puis arranger dans la façon de lire. C'est-à-dire, on peut modifier la façon dont la synthèse va nous lire les choses selon les. Tous et chacun. Ceux qui veulent que ça lise différemment, on peut la faire parler de façon différente. Donc, les autres paramètres, c'est principalement ça. Mais je voulais montrer aussi que quelqu'un qui préfère avoir la synthèse vocale un peu plus grave, il peut le faire. Mais quelqu'un qui préfère l'avoir un peu plus aigu, peut le faire. Ou l'avoir plus lent. Parce que la personne a mettons, des problèmes d'audition, on peut la ralentir. On peut lire aisément son journal sur l'Internet. Et puis, il peut vraiment faire quelque chose. Quand même bien avec ça. Donc, ça, c'est au niveau de Orca. Ça a sorti en. Orca est sorti en 2006 ou 2009. Avant ça. Comme dans les temps à peu près de Great Happy, c'est sorti des environs 2008-2009, je dirais. C'est dans le temps que Gnome appartenait à Sun avant qu'il soit acheté par Oracle. C'est Gnome qui a sorti Orca pour leur bureau, à l'époque qui était Gnome 2, et aujourd'hui c'est Maté qui le remplace. Donc, on peut utiliser. Orca a été pris par Canonical et a été mis aussi dans Unity. On peut être capable de l'utiliser. Donc, faut croire que les développeurs qui ont fait ça, c'était des non-voyants aussi. Les développeurs qui ont fait ça, ils ont fait vraiment un bon travail. C'est le lecteur d'écran par excellence pour le virus. Donc, quand tu commences sur un compte, tu lances en cloud, tu plugues la page, ça marche? Oui, parce que BreakKey, je te connais, c'est BreakKey au démarrage, BreakKey est installé par défaut. Donc, c'est que ça marche pour la page tactile, c'est BreakKey. C'est BreakKey qui détecte, c'est pas Orca. Parce que Orca parle à BreakKey. Mais si tu veux que la flash drive fonctionne dans Orca, il faut que Brady l'ait détecté d'abord. Donc ça marche en chaîne. Ça. Puis, pour ce qui est des voix, ben, ce qu'utilise Orca actuellement, c'est Speech Dispatcher, qui existait à l'époque, une autre speech, qui, si on veut, a été le pionnier des distributeurs de voix, parce que Speech Dispatcher, c'est ce que ça fait, c'est que Orca envoie ses informations à Speech Dispatcher, puis c'est Speech Dispatcher qui est un démon qui roule en arrière-plan, qui lui s'occupe de transmettre à Pulse Audio la voix pour qu'on puisse l'entendre dans nos haut-parleurs, comme tel. Donc, c'est ça qui. C'est Speech Dispatcher. Se trouve être celui qui s'occupe de la voix. Donc, chacun a sa tâche. Orca envoie ses choses à Brady et à Speech Dispatcher en même temps. Et ces deux-là s'occupent de faire leur travail. Donc, c'est tout séparé. Tandis que si on regarde l'autre système, même si NVDA est un logiciel libre, c'est NVDA qui gère le travail. C'est NVDA qui gère la voix. Il n'y a pas d'intermédiaire entre. C'est NVDA qui fait. Tandis que là, ici, tous et chacun a son petit bout à faire. Ce qui fait que, pourquoi que Linux, au niveau accessibilité, c'est moins ralenti, malgré qu'on est dans une interface graphique, ben, c'est une des raisons. Parce que tout le monde fait son petit bout de chemin pour arriver au même résultat. C'est tous des petits environnements isolés, chacun de leur bord, qui font leur travail. Parce que Speech Dispatcher, on pourrait dire, c'est comme un serveur de voix. Brady, c'est un serveur de braille, parce que vrai appareil API, c'est un serveur aussi. Donc, Orca, lui, c'est l'intermédiaire entre tout ça. Donc, ça, c'est Orca. Il existe aussi des logiciels au niveau console qui font la même chose, qui peuvent parler en mode console, qui s'appelle le SpeakUp, qui se trouve être. Ça, c'est vieux, très vieux, sauf que ça a été repris et ça a été. C'est Speech DA, qui se trouve être SpeakUp, mais qui utilise Speech Dispatcher. Donc, encore une fois, Speech Dispatcher il est sollicité par SpeakUp. Donne des informations de ce qui se passe sur la console, puis ainsi de suite. Donc, mot de passe, deux points, champ de mot de passe, saisissez du texte. Ça, j'ai oublié de Astérisque, contrôle gauche, formulaire de page, paramètre du logo pour la voix, tableau de bord, coupez la synthèse vocale en morceaux entre les bosses, cases à cocher, Alt plus U. Référence du lecteur d'écran, voix moulée de page, échappe, bureau cadre, contrôle gauche. Synthèse vocale désactivée. Ça, je peux même désactiver ou activer la synthèse au besoin. Des fois, je vais aller. Tu sais, des fois, c'est très bon, c'est sûr que je ne peux pas prendre la synthèse. Mais en gros, je dis même plus de drive. Donc, pour revenir à mon affaire, c'est ça. Que ce qui est top, ça a été le premier, si on peut, de. Et il y a eu aussi le célèbre éditeur IMAX, qui se trouve être l'éditeur de programmation en mode console. Ben, il y a une version qui existe qui s'appelle IMAX Speech, qui parle. Donc les gens qui travaillent beaucoup en mode console au niveau Linux, en envoyant, l'ont adapté. Comme un environnement de bureau. IMAX Speak, c'est comme si c'était un environnement de bureau. Parce que, tu sais, dans IMAX, tu as quand même des applications que tu peux faire différentes choses avec ça. Là. C'est quasiment, on pourrait quasiment dire que c'est un environnement de bureau en texte, là, IMAX. Très, très puissant. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Là. Mais ils ont sorti la version IMAX Speak. Donc, les gens l'utilisent. Il y a même un gars qui est sorti, un gars de France, qui est sorti EFM, qui voulait dire IMAX Speak Festival Mbola. Donc, festival, c'est un autre genre de synthèse vocale, mais qui était seulement en anglais. Mais ils ont rajouté Mbola pour pouvoir avoir le français dans le festival. Parce que le festival, à l'origine, était difficile de, par les phonétiques, tout ça, c'était difficile de traduire ça en français, donc ils ont codé de sorte que M. Brola interprète le français. Donc, on voit là, que M. Brola a été utilisé dans beaucoup de projets libres, malgré tout. Donc, puis, par rapport à ça, il y a eu en 2005-2006, dans les premières versions de Clopix, il y a eu un projet qui est sorti qui s'appelait Oralux. Oralux existe encore, la fondation Oralux existe encore, mais aujourd'hui, évidemment, cette version de Linux-là n'a pas, comme on dit, évolué beaucoup. Oralux, c'était une version non graphique de Linux qui était sur CD et qui permettait d'avoir le vocal et le braille. Et il y avait tout outil en ligne de commande qui avait été réinstallé dedans. C'était un live CD qui contenait tout. Puis, que tu pouvais choisir quel type de synthèse vocale que tu. Donc, tous les types de synthèse vocale qui se faisaient en ligne de commande, Ciro, il y avait l'IAFON, il y avait Parlemax, il y avait une couple de choses comme ça, dont IMAXPI faisait partie de ça. Puis EFM, qui était IMAXPI Festival Mbola, qui faisait partie du même package. Donc, Oralux, les non-voyants au début, c'était un début. Donc, c'était un test que les Français ont fait. Et aujourd'hui, la Fondation Oralux, ils ont développé une synthèse vocale qui s'appelle Voxin, qui se trouve être basée sur IBM TTS, IBM Via Voice. Ils ont pris ça parce que, évidemment, IBM Via Voice, c'est comme Eloquent, qui est la synthèse vocale de Jaws, normalement dans les systèmes Windows. Et puis, beaucoup de non-voyants qui partent de Windows à Linux, ben, souvent, pour se sentir moins dépaysés, ils vont utiliser la synthèse vocale éloquente. Synthèse vocale éloquente, je vais en faire une démonstration. Sur mon téléphone, j'ai la voix d'éloquente qui parle. Donc, c'est un petit peu ce que ça donne comme voix. Cette voix-là, c'est la voix qu'on trouve normalement dans les logiciels commerciaux ou même dans NVDA, ils ont sorti un plugin avec Eloquence dedans. Donc, les gens, les non-voyants sont habitués avec Eloquence. Donc, il y a moyen dans les deux de mettre BM via Voice qui fait le même, à peu près, c'est sensiblement la même voix. Il n'y a pas vraiment une grosse différence. Des gens que j'ai migrés à Linux, ben, beaucoup se sont sentis à l'aise de continuer avec Linux par rapport à ça. Autrement, ils auraient retourné à Windows par rapport à Eloquence. Donc, c'est peut-être mieux eux, mais qu'est-ce que tu veux? Les gens, il y en a qui sont plus ou moins difficiles dans ce domaine-là. Donc, j'ai d'ailleurs des gens en Linux depuis. Des non-voyants que j'ai réussi à migrer vers Linux, même des personnes voyantes. Il y a une de mes chums de filles qui est à Longueuil, qui s'est acheté un Inspiron édition Ubuntu. Elle vient de l'acheter. Elle a seulement besoin d'aide pour que je puisse l'aider à y configurer. Mais elle était déjà avec un Dell qui utilisait Windows 7 à l'époque et qu'on a converti à Ubuntu. Ça faisait déjà 2 ans ou 3-4 ans qu'elle l'utilisait, mais l'ordinateur, il commence à être ralenti, il commence à aller moins bien. Fait que là, elle s'en est acheté un, et au lieu d'acheter un ordi Windows de Dell, elle a acheté une version Ubuntu. Parce que, aujourd'hui, chez elle, tout fonctionne en Ubuntu, à part peut-être un programme qu'elle a besoin d'un VirtualBox avec un VMXP pour le faire fonctionner. À part ça, il n'y a rien, absolument rien d'autre. Elle écoute sa musique en Linux. Elle va sur des sites internet en Linux. Elle reçoit ses courriers en Linux. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'elle ne fait pas en Linux, à part d'aller sur ce qu'on appelle la plateforme web qui s'appelle le salon. QCSalon.net, c'est une plateforme internet pour les gens non-voyants que tu peux jouer à différents jeux de société. Il y a les jeux, le jeu de mille bords, il y a le jeu il y a le jeu de Farfall, il y a plusieurs. Hein? Oui, virtuellement. C'est un bel exemple sur le salon. Je pourrais justement, c'est un bel exemple de synthèse vocale, ça. Le salon, on va y aller. Donc, voyez-vous qu'il y a même des bruits au niveau du salon, non? Synthèse vocale activée. Activer ma synthèse. Rejoindre une table bouton. Créer une nouvelle table bouton. Entrez. Choisissez ce jeu. Uno bouton. Scopa bouton. Poker Texas Hold'em bouton. Domino bouton. Bouillabaisse bouton. Nightingale bouton. Cribage bouton. Rami bouton. Adobe bouton. Jazz bouton. Davos City Bet. Bataille Sion. Monopoly bouton. Puissance 4. Reversi bouton. Bataille Navat. Farkle bouton. Quel joueur de Farkle qui est un jeu de dés. Entrez. Jeu. Vous avez rejoint la table, attendez que d'autres joueurs arrivent. Plus appuyez sur Entrée pour commencer la partie. Appuyez sur B pour ajouter des mots. Appuyez sur Maj plus B pour en retirer. Et B, plan web, le salon, Mozilla Firefox 4. Sophie rejoint la table. Sophie dit deux points, bonsoir. On a un flash Jeu. Historique, historique. Saisir interne à rechercher une adresse, adresse, clic, tableau de bord, tableau, volume. Deux points, effacer liste, envoyer, chef de mode de navigation, démarrer le jeu. Jeu. Liste pour l'aide de page, numéro 4. En apprendre plus, fermez ce message bouton, jeu, tabulation, démarrer le jeu bouton. Bon, on va démarrer le jeu pour faire le petit démon. Je vais juste dire à l'écran. Sophie dit tabulation, champ d'aide niveau 2, chazon de saisie, tabulation, chazon de saisie, saisissez une touche de navigation par structure désactivée. Bon, je vais dire, J-E, espace, je, F-A, IT, espace, U, F-E, espace, T, par repli, T, retour à bien, par repli. Naruna E, N, O, N, S, T, A, R, R, A, T, I, O, N, espace, S, U, R, espace, L, I, retour à E, espace, S, A, L, L, O, N, espace, T, O, N, C, espace, donc, grand C, retour à R, G, A, espace, T, E, espace, T, par repli, T, retour à E, R, A, N, G, E, espace, devant T, baloutre E, espace, P, A, R, T, I, P, E, entrée. Miguel dit deux points. Je fais une démonstration sur le salon donc cadre de range de participe. Mode navigation. Champ d'aide niveau. Démarrer le jeu bouton. Pour activer, appuyez sur espace. Sophie dit deux points. Non, me dérange pas. Vous ouvrez à quitter une table de table libre. Crochet gauche. Entrée. Oui, bouton. Voulez-vous jouer avec les options par défaut? Non, bouton. Bibi 33 entrée. Jeu. 50 points, bouton. Choisissez le nombre minimum de points qu'il faut comptabiliser la première fois pour entrer dans le jeu. Deux points. Bon, je vais mettre pas 50 points par exemple. 55 points, 5, 40 points, 35 jeux d'être niveau 2. Jeu par d'outils. Jeu. Actions en par d'outils. Actions en tête tabulation. Démarrer le jeu bouton 50 points bouton. Ballon 33 rejoint les jeux de entrée. Jeu. 30 points bouton. Choisissez le nombre minimum de points comptabilisables à chaque tour. Deux points. Ok, 30 points, on va le faire. Ballon 3 entrée. Jeu. Oui, bouton. Définir une limite de points à atteindre pour une victoire. Carole rejoint Guevara. J'ose entrer. Je. Parfois, choisissez la limite de points à atteindre. Retour à bien. On va mettre, mettons, 5-5. 5-0-0. En décider, bouton. Pour activer, appuyez sur espace. Le jeu commence, il faut au moins 50 points pour entrer. Et au moins 30 points pour pouvoir comptabiliser la victoire et fixer à 500 points. C'est à vous de jouer. Bon, on va jouer. Entrez. Vous jetez les 2 points. 2-2-2-2-3-4. Tabulation. Lancez les dés. Carré de 2 pour 120 points de temps. Carré de 2 pour 120 points. OK. Entrez. Vous prenez carré de 2 pour 120 points. Comptabilisez 120 points pour ce tour, bouton. Entrez. Jeu. Vous comptabilisez 120 points pour ce tour. Votre score total est maintenant de 120 points. C'est à Sophie de jouer. Sophie fait les dés. 2 points. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Sophie prend petite suite pour 100 points. Je décide les boutons. Sophie comptabilise 100 points pour ce tour. Son score total est maintenant de 100 points, c'est à vous de jouer. Entrez. Vous jetez les dés. 2 points. 5, 6, 6, 6, 6, 6. Carré d'aussi pour 160 points de temps. Entrez. Vous prenez carré d'aussi pour 160 points. Jetez 2 dés boutons. Unique 5 pour 5 points. Entrez. Vous prenez unique 5 pour 5 points. Comptabilisez 160. Jetez 1 dés boutons. Entrez. Vous jetez les dés. 2 points. 3 pas de chance. 165 points, 120 points de suspension, c'est à Sophie de jouer. Sophie fait les dés 2 points, 2, 3, 3, 5, 5, 6. Sophie prend du nick 5 pour 5 points. Sophie prend du nick 5 pour 5 points. Je décide les boutons. Sophie fait les dés 2 points, 2, 3, 3, 6, mais il n'y a rien là-dedans. 10 points perdus dans ce tour, c'est à vous de jouer. Donc, vous voyez que c'est une plateforme web exprès pour les non-voyants qui permettent de jouer. Comme ça. Fait que là, je joue au Fireball avec une personne qui est sur Internet, qui est là-bas en France, là, où, je ne sais pas où, puis elle joue avec moi. Donc, c'est un jeu adapté, QCSalon.net. C'est des non-voyants, encore une fois, qui ont développé ça, puis que, évidemment, ben, il y a un client. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec le client pour Windows. Il y en a qui sont aussi plus à l'aise avec le client web. Donc là, je suis présentement avec le client web. Mais pour que, évidemment, ceux qui sont dans les deux soient en Mac, eux peuvent utiliser, si on veut, le client web. Mais il y en a qui sont plus à l'aise avec le client Windows. Donc, prendre un virtual box avec un petit Windows 10 qui peut fonctionner. Donc, ce n'est pas un problème, ça marche très bien. Puis, ça n'empêche pas d'utiliser Linux pour eux. Donc, ça, c'est le salon. C'est un exemple de synthèse vocale qui est un bel exemple. Mais je peux jouer aussi. Synthèse vocale, c'est un bel exemple. Je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et que j'ai une belle suite. Là. Grande suite. Lancer, comptabiliser 200 points, tu peux pas regarder. Bon, elle a comptabilisé 145 points. Ah, voilà de. Elle aussi, pas bien. Bon, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que je laisse. J'arrête la partie. C'était seulement une démonstration. De rien à plus peut-être. Donc, voilà, n'arrive pas. Et le. Et donc, je vais quitter la plateforme web moi aussi. Donc, c'était ça, j'avais pas pensé tantôt, mais c'est ça. Le salon, c'est. On voit que tout a été vocalisé, tout a été pensé, que l'on voyait plus vraiment bien joué. Un exemple de synthèse vocale. Vous avez vu que j'étais capable de suivre le jeu que je joue au Fargo. Vous autres, est-ce que vous voyez ce qui se passait? Ouais. T'as écrit le texte? Vous voyez le texte? Non, il y avait le texte. Ben, c'est ça. C'est que les personnes voyantes peuvent jouer aussi avec les non-voyants comme ça. Il y a même un jeu de Monopoly, il y a un jeu de Billboard, il y a toutes sortes de jeux. Fait que, puis si c'est à l'autre.net, ceux qui vont vouloir se prendre un compte, peuvent se prendre un compte, peuvent jouer avec des personnes non-voyantes. À divers jeux comme le Monopoly, ces affaires-là. Il y a même la bataille navale là-dessus. C'est super. Hein? C'est... Oui. Ça, je comprends que mon projet, c'est autant notre animation de jeu 3D. C'est tout d'avoir un son différent sur quatre haut-parleurs avant et arrière pour te déplacer d'une à gauche à droite. C'est sûr qu'en utilisant une manette de jeu, c'est là que tu vas savoir si c'est le son. Le meilleur exemple que je pouvais te donner, c'est que, effectivement, moi, je veux peut-être faire à un moment donné une simulation. Je te donne un exemple, un jeu de baseball. Bon, ben, moi, je veux que la personne, en entendant le son, elle ait l'impression de se retrouver sur le terrain de baseball, qu'elle ne se sente plus chez elle, qu'elle a l'impression qu'elle est sur le terrain de baseball. C'est pas de 3D, c'est un son en avant, en arrière et à gauche, en droite. Exactement. Puis les sons vont monter, descendre. C'est vraiment là, ce que je veux faire, c'est un projet pour faire du jeu audio. Au lieu de jouer avec des images, faire des super graphiques, super débiles écœurants. Mais là, ce serait de l'audio super débiles écœurants. Il y a des synthèses vocales qui existent actuellement. synthèse vocale ne portait pas de surround. Ça va être surtout le son, l'environnement. Les objets, la balle qui s'en va, quand la balle est lancée, il y a un bruit qui va se faire pour t'indiquer que le lanceur va lancer la balle. Puis quand tu vas la battre avec le bat, bien, le bruit du bat va indiquer que la balle s'en va dans tel sens. Ça va être surtout les bruits environnants. La synthèse vocale, elle va rester standard. La synthèse vocale va juste t'informer et te dire, OK, le lanceur lance la balle. Ou, tu sais, des choses comme ça, là. Pour nous, c'est comme de se souvenir, on est en plein de... On est à l'endroit du frappeur au baseball, là, de la foule de loin. C'est ça. On entend le lanceur en avant, ça part, C'est ça. Puis tu vas entendre la foule qui va. Tu vas entendre les coureurs qui vont courir. Ça va te donner une idée où est-ce qu'il faut positionner ton coureur quand il a couru. À quel endroit, quel monticule. Ben, ça va tout être programmé dans un kit que je vais avoir prêt d'avance pour que les jeux soient réalisables. Parce que je vais voir que je fasse comme une espèce de framework autour de ça qui va faire en sorte qu'on va réaliser des jeux facilement, de manière facile, pas coder de zéro. Il va y avoir un framework qui va être prévu, que tu vas pouvoir positionner tout de suite tous tes objets, que tu vas prendre tel son. Et évidemment, ben, les sons, ça va être du OGG. Tu dis 11, c'est tout ton état, tu vas créer une communauté, les gens pourraient adhérer. C'est ça, pour faire le système d'exploitation pour cette console-là, le framework, forcément, il va fonctionner avec ce système d'exploitation. Donc, c'est. Oui, c'est un beau défi. Sincèrement, là, je veux faire ça justement pour intéresser les gens à faire du développement davantage. Oui, ben, je pourrais aller chercher ça sur CBRX, Carrefour et Linux, qui se trouvait être la liste des non-voyants qui utilisent Linux. Donc, je pourrais lancer un message sur CBRX pour faire ça. Puis, oui, j'en ai d'autres, mais je pourrais se développer justement une communauté comme ça. Tu sais, les gens qui voient aussi, ceux qui sont intéressés par ça, l'audio, l'audio 3D, ces choses-là, ben, ils pourraient contribuer à faire ça. C'est vraiment cool le son 3D. On aime le stéréo, mais un vrai son 3D en stéréo, c'est hallucinant. Avec des bons écouteurs, tout le monde connaît, ben, ceux qui connaissent le barbershop. C'est intéressant quand il touche la tête. Mais pour toi, le milieu, ça va être super invasif. Quand je chantais les ciseaux, qui faisaient ça bien tard. Mais ils ont, dans le fond, ce qu'ils prennent, c'est qu'ils prennent une tête, ils mettent le micro à la place des oreilles, puis ils font comme s'ils te coupaient les cheveux. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce à l'arrière, puis t'as les yeux fermés, puis. Quand tu l'entends, le gars, là, en arrière de toi. Oui, tu le visualises, tu le sais qu'il y a quelqu'un, mais non. Il joue de la guitare, puis il est en arrière de toi, là. Donc, au niveau de l'accessibilité, ben, Max P, j'avais parlé de Brady, j'avais parlé de Cicero. Ben, en tout cas, regarde, moi, pour ce qui est de la présentation comme telle, elle est pas mal finie. S'il y en a qui ont des questions, ben... Ah, vous jamais. Ah, vous jamais.